Ainsi l'emmène par la main jusqu'en une chambre solide qui moute être belle et longue et lire. Sur une coute de samit qui fut tendue sur une lit, ce sont les Hans enduits à six. Chevaliers 4, 5 et 6 vindre les Hans et si se sistrent toutes par troupaus et matne distre, et virent celui qui se siste de l'etz lourdame et matne distre. Pour ce de parler se tenouet, que del chasti li souvenouet, que li prudhomme li avouet fait, sans tenouet en traus grand plaît, tuit li chevalier à console, ou bien tuit li chevalier à consuelle.